des Kaira dans les cités. Il y a des Kaira dans les cités qui respectent pas la police nationale, qui respectent pas la police nationale. Il y a des Kaira dans les cités. Il y a des Kaira dans les cités.